Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. J'espère que tout le monde va bien. En ouverture, Blackout de Audrey Horn, l'avant-dernier album du groupe norvégien, et le superbe morceau Satellite de superbe guitare, twin guitars, un côté un petit peu funky également sur le final. De super brief, j'adore tout simplement cet album. Enforcer pour débuter l'émission avec une petite speedery, se mettre en appétit, ce sera extrait de cet album Nostalgia qui vient de voir le jour sur Nuclear Blast avec le morceau Coming Alive. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Yeah! Yes, Enforcer Coming Alive, extrait de cet album Nostalgia, sur lequel le groupe suédois retourne à ses speederies de leur début de carrière. Saxon avec son album de reprise More Inspirations, on a déjà passé. Deuxième album de reprise coup sur coup pour des disques qui ont été enregistrés pour la plupart pendant les confinements, avec du Rainbow, bien entendu, du hard rock anglais, l'une des grosses inspirations du mastodonte de la New Wave of British Heavy Metal. Ce sera The Man on the Silver Mountain par Saxon, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. h 45 sur le 895 de Radio Duo. Ce soir, dans Overdrive, j'ai DA du groupe Drop Dead Chaos qui nous sort cet album Underneath the Sound sur At Home. DA, comment est-ce que tu nous entends du côté de la Belgique? La Belgique reçoit 5 sur 5, tout va très très bien, Radio Duo, tout va très bien. Eh ben, merci à toi en tout cas de nous appeler, de nous présenter ce magnifique premier album de ce nouveau projet pour toi, nouveau groupe. Alors de ce qu'on peut résumer rapidement sur le démarrage de carrière de Drop Dead Chaos, il s'agit d'un nouveau groupe composé de plein de musiciens français et bien sûr belges comme toi. Donc on retrouve des gars de Betraying the Martyrs, Black Bomb A, Smash Hit Combo, le guitariste Niels Kubaron de Sirenia et également deux chanteurs puisqu'on a Renato qui officie dans plein de groupes de la, du coin qu'on a connu bien sûr dans Goddame, dans Trepalium Flayed et maintenant dans les Tambours du Bronx et toi Déa qui est plus connu dans la scène black metal avec Malady et Wolfenest. Alors est-ce que tu peux revenir sur la genèse du groupe et puis justement sur ces années de confinement, puisqu'il me semble que Drop Dead Chaos est un projet, un groupe qui est né justement dans ces années-là. Mais c'est totalement ça. En fait, notre ancien guitariste, donc Sylvain de Sidlarsen, avait proposé en fait à Jacou, donc ancien Black Bombay maintenant, de faire une collaboration parce que voilà, t'es confiné à la maison, t'es musicien, tu peux pas faire grand-chose et avec tout ce qui se passait d'un point de vue morale et politique, hein, malgré tout, hein, les nœuds essentiels, tout ça, ça a joué énormément sur le moral des musiciens qui, en fait, voulaient au moins faire de la musique. Donc, Jacou est à fond. Ils avaient en tête, de toute manière, de prendre Baptiste, donc, de Smash It, et Renato en tant que chanteur. Sauf que Jacou, il dit, écoute, est-ce que t'es un producteur? Non. T'inquiète, j'en ai un. Il appelle donc HK du Vamakara, qui, lui, en fait, a ramené tout le monde derrière. Il a dit, OK, il faut un batteur, on prend Boris de Betraying. Il te faut, à un moment donné, un soliste, on te prend Disco Baron, t'as besoin d'un mec au clavier, on te rend Déa de Belgique. Et de là, en fait, on a fait le morceau comme ça à distance, et on avait décidé forcément, vu que Nils, étant infirmier, il était vraiment en première ligne avec ce qui se passait dans les hôpitaux, on voulait vraiment aider tout le corps hospitalier, en fait, du plus qu'on pouvait. On s'était dit que, avec forcément la bouteille des gars de tout le monde, il y avait peut-être moyen d'aider financièrement. On a décidé donc de mettre le morceau donc en vente et on est arrivé à faire à peu de choses près 1500 balles que l'on a donné à la Fondation de France. Ah d'accord, super chiffre quand même pour un morceau. Ah, il n'y a pas idée. On était très très contents, on a été aidés par le Metal Society Club, on a été aidés par les contacts des uns et des autres. Enfin, on a vraiment essayé vraiment de le mettre bien sur le devant, ça a fonctionné, on a été très contents. Et après, de là, en fait, nous, en tant que musiciens, on s'est dit, vas-y, on en refait un deuxième, parce qu'on avait bien aimé, et on voulait aider, cette fois-ci, les salles qui étaient en difficulté, parce que, le Covid. On a fait donc le deuxième morceau, parce que le premier étant Black Thoughts, on a fait le deuxième, donc Save Yourself. Après, on en a fait un troisième, parce qu'on a aimé, qui s'appelait Humans, et ça, c'était donc en décembre 2020. Et là, on s'est regardé tous, à un moment donné, dans le blanc de notre caméra, tous ensemble, à se dire, mais en fait, les gars, faut qu'on fasse un groupe, ça se passe trop bien, la musique, on aime vraiment bien, ce serait temps que qu'on fasse quelque chose. Et ce qui est marrant, c'est que plus ou moins en même temps qu'on était en train de se poser un peu selon les questions, on nous a dit, les gars, vous jouez à Hellfest, quoi. On a fait, ah, quoi, pardon? Voilà, vous jouez à Hellfest. Ok, bon, maintenant on va travailler un peu, hein. Donc, on s'est mis au travail, et donc on est vraiment passé de là. En tout cas moralement, mais aussi dans la manière dont on était en train donc de gérer le groupe, en fait, on est passé vraiment de, on va dire comme ça, collectif de musiciens à groupe complet, full groupe. Et donc voilà, là, donc on vient de sortir le premier album de livre de Sound chez Atom au mois d'avril, le mois dernier. Là, on est en train de le défendre sur scène à peu près partout en France, et on est sur heureux des retombées. Que ce soit toi d'ailleurs, un grand merci du compliment en introduisant le groupe, que ce soit les médias, que ce soit aussi les gens, le public en fait. Donc on est ultra heureux de ce qui est en train de se faire avec ce groupe et on continue, on y va à fond. Là on a une date dans deux semaines au Black Lab de Lille, donc chez Jacou, puis on a une date à la Maroquinerie à Paris avec Bukowski, Loco Muerte, où là, on va y aller à fond, on fait gagner une guitare pour ceux qui achètent leur prévente. On joue aussi au Festival 666 à Circou au mois d'août, et on a encore des dates qui se mettent devant pour après la rentrée, donc on est chaud, on a envie de jouer cette musique, et voilà, donc on est sûr, motivé, vraiment, vraiment. Donc voilà. Moi, après avoir écouté Drop Dead Chaos, tu sais, lorsqu'on parle des collectifs, des rencontres de musiciens, des supergroupes, parfois, on a souvent un ensemble d'individualités, mais il me semble que le tour de force de Drop Dead Chaos, c'est d'avoir tout de suite su affirmer une identité très forte. Et ce, même si vous n'aviez pas vraiment, on va dire, des connaissances les uns des autres d'un point de vue musical, c'est-à-dire que vous n'avez pas commencé la carrière du groupe en répétant dans un local de répétition, si je me trompe. C'est un fait, et il est vrai que le côté bizarre de Drop Dead, c'est que tout a été fait à distance. L'album a été écrit à distance, on l'a enregistré en studio forcément à un moment donné, vu qu'on a pu le faire, mais tout a été fait à distance. C'était, à la base, je peux me permettre de dire que ça ne devrait pas être facile, en fait, sur le papier. Maintenant, quand tu te retrouves avec des personnes qui ont quand même 20 ans de bouteille, qui ont tourné un petit peu près partout, qui travaillent pour la musique et par la musique et qui n'ont pas d'ego, bah finalement, on s'est incroyablement bien trouvé. Je pense que c'est une chance, d'avoir trouvé en fait autant de musiciens et un producteur aussi, parce que notre producteur HK est quand même le 8e membre du groupe dans l'ombre, mais c'est le 8e membre. Mais 8 personnes, c'est déjà pas forcément facile. Et en plus, bah, arriver à gérer donc tout ça pour la musique et par la musique, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas donné. Mais on y est arrivé. On y est arrivé parce qu'en fait, outre le fait que certaines personnes se connaissaient, tu sais, un petit peu sur les routes, tu sais, prends l'exemple, tu sais, de Smash It, Black Bombay, où ils se sont vus quand même plusieurs fois. Donc ils se connaissaient un petit peu de vue comme ça. Moi, j'en connaissais peu, finalement. Moi, ce sont des gars que j'écoute, tu vois. Ça fait 15-20 ans que j'écoute Black Bomb, la même chose avec Smash It. Donc finalement, je pense qu'on avait chacun un petit peu certaines affinités ou pas. J'avais déjà un peu travaillé avec Renato, avec Nils à un moment donné. Mais finalement, le fait de se retrouver tous ensemble, ça a été un peu un exercice de, bon, est-ce que vous êtes assez professionnel pour faire fonctionner un groupe? Est-ce que vous allez pouvoir bien gérer, en fait, vous, en séparé ou ensemble, si jamais il y a un problème d'ego? Et en fait, on s'est jamais posé la question. Ça s'est fait de manière très naturelle. Et là, en fait, où tu as peut-être l'impression que je suis en train de te sortir un truc que je suis en train de lire, mais en fait, absolument pas. C'est vraiment impressionnant. Moi, le premier choqué, en fait, de me retrouver dans un groupe où on est en résidence, tu commences, et en fait, bah putain, ça sonne. T'as tout qui sonne. Tu te retournes pas pour dire est-ce que le riff est bon. Non, non, le riff est bon. Ils savent jouer. Et chacun connaît sa place, il sait ce qu'il va apporter, propose des idées, on s'écoute tous. Il n'y a pas de problème de « ouais, mais moi j'ai fait plus de dates, donc moi tu m'écoutes ». Il n'y en a pas en fait, on s'écoute tous l'un et l'autre, et il n'y a littéralement aucun problème à faire fonctionner cette plus une personne. Quand t'entends l'album, voilà. Je veux dire, j'ai beau prendre tout le recul du monde vis-à-vis de cet album, je l'aime vraiment beaucoup, je l'écoute souvent, parce que c'est même pas une question d'ego. Je l'aime vraiment, cet album. Et je pense que c'est aussi le fruit de tout ce travail, certainement de ces 20 années derrière d'expérience de chaque personne, d'être arrivé à travailler, comme je disais, pour la musique. Et finalement, bah, c'est ça. C'est peut-être une certaine maturité, certainement, je sais pas. Mais en attendant, le résultat est là. Et quand je me retrouve avec les gars, que ce soit en concert ou que ce soit, je veux dire, ouais, à distance où on s'appelle pour faire 2-3 trucs, que ce soit pour Drop Dead ou même en séparé, en fait, si tu veux, ce sont des vrais amis. C'est pas juste des connaissances avec qui je fais de la musique, ce sont devenus des amis proches, et on est tous comme ça l'un pour l'autre. On se parle tous les jours, on est tout le temps en train d'aider l'un et l'autre. C'est musical, extra-musical, et cette ambiance, en fait, qu'on donne, parce qu'à la base, on donne vraiment de nous-mêmes pour la musique, mais aussi, que ça se voit sur scène. Les gens nous disent assez souvent, mais vous êtes ultra souriants, il y a une énergie qui est déballée de cette personne qui sont lumineuses, mais en fait, on l'est déjà en dehors de la musique ensemble, parce que chacun s'apporte la lumière qu'on a besoin. En fait, c'est incroyablement beau ce que je te dis, mais c'est littéralement ça. C'est rempli d'amour et d'espoir, Drop Dead. Et que ce soit sur scène ou hors scène, c'est trop bien, en fait. Donc moi, je suis heureux, tu vois. Et alors, du coup, quel a été le rôle de HK? Alors, tu nous as dit qu'il a été un peu le sélectionneur du groupe, mais à mon sens, d'un point de vue de l'enregistrement, il a eu, et de la production de l'album, il a eu son plus que son grain de sel à apporter à la fois aux arrangements et aux compositions. Ah ouais, non, mais HK, mais quand je te dis que c'est le huitième membre, c'est le huitième membre, en fait. Hein. C'est notre manager, déjà. Donc, le mec, il est manager, et en plus, c'est notre prod, tu vois. Le mec, il est derrière nous, de malade, c'est un garde-fou, parce qu'il va-t-on savoir gérer cette personne, tu vois. Mais le mec, il arrive, il sait nous recadrer quand on a besoin d'être cadré, quand on a trop d'idées, il sait choper ce qu'il faut. Il nous aide sur les compos, sur les arrangements, sur énormément de choses. Il y a un mérite immense qui lui revient pour cet album et pour l'évolution du groupe. C'est un fait. C'est un membre du groupe, point. S'il est dans l'ombre, il est dans l'ombre, mais c'est un homme du groupe. Enfin, un membre du groupe. C'est absolu. C'est incroyable. Et alors justement, avec Renato, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous séparer les parties vocales? Bah, en fait, ça s'est fait naturellement. De base, en fait, pour l'anecdote, quand on était en train de faire Black Sox, donc vraiment au tout début, moi, donc, je faisais que les claviers. Et finalement, je m'étais retrouvé un petit peu dans ce truc de « Hey, mais là, je verrais bien un petit rap. » Et je me suis dit, je vais leur proposer. Je sais très bien que voilà, le rap, parfois, en fait, ça peut être casse-gueule. Je me suis dit, je vais leur proposer. Et en fait, ils ont adoré. Et donc, bah, quand on a fait le deuxième morceau, j'ai fait « Bon, bah, je vais tenter de remettre un rap. » Et en fait, directement, à partir de ce deuxième morceau, bah, on a commencé à travailler en binôme avec Renato. Et ça s'est fait de manière naturelle. Il n'y a pas besoin de qui fait quoi ou comment. C'est la personne qui a une idée va travailler dessus. Et en fait, si, par exemple, Renato a une meilleure idée que moi pour une ligne de chant, alors que moi, j'aurais fait du rap, ben, on va garder sa ligne de chant. Encore une fois, il fallait pour la musique. Donc, là, pareil, pas d'ego. On travaille à deux. On s'échange des idées et ça va assez vite et bien parce que finalement, on se comprend vraiment bien. Que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau de ce qu'on veut faire, qui va backer l'autre, qui fait quoi. Et c'est génial, en fait. Là aussi, c'est encore une chance incroyable de travailler avec Renato comme binôme. Puis bon, c'est un chanteur exceptionnel. Tu parlais de Godem, moi je l'ai connu avec Godem, justement. Et c'est la voix qu'il a, moi, c'est ce mec qui me tue, quoi. C'est la voix des 90s représentée en une seule personne. Et c'est un plaisir, un bonheur de bosser avec lui, tu vois. Et ça se ressent dans le groupe que justement... chacun peut aider l'autre, mais finalement, Renato n'avait jamais fait de rap. Bah maintenant, il en fait un peu, tu vois. Parce qu'il me back, donc il fait du rap. Moi, j'étais pas forcément le meilleur chanteur au monde, j'ai voulu prendre des cours pour me le donner à fond. Et là maintenant, bah, je chante. Je chante, je le double, je le back, on fait des harmonies tous les deux. C'est trop bien, en fait. Donc un peu, ce qu'on pourrait résumer, c'est que tout le monde a appris justement du collectif. C'est un fait. On s'est tous remis en question pour cet album. Hein. C'est logique. Tu te retrouves à faire la musique que tu as presque toujours eu envie de faire il y a plus ou moins 20 ans avec cette petite sauce moderne et que c'est très bien. Tu sais, on a tous nos acquis. Et finalement, le fait de faire cet album, que ce soit parce que la distance ou parce qu'on voulait vraiment faire avec cet album, on s'est mis en danger nous-mêmes pour faire la musique. Et finalement, cette remise en question a été positive pour tout le monde. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, ça nous permet nous-mêmes de se renouveler, et c'est pas en fait le fait d'avoir 20 années derrière qui veut nous faire « Ouais, t'inquiète, c'est bon, je gère ». En fait, on a toujours à apprendre, on sait ce qu'on a, effectivement nos acquis, et c'est très bien de les assumer, mais on a énormément de choses qu'on peut faire, qu'on peut apprendre, on peut toujours aller plus loin, et c'est une recherche, de toute manière, individuel et pour le groupe que l'on fait, tu vois. Ouais, c'est une façon, de toute façon, de dépasser ses limites. Exactement. Alors maintenant, si on peut revenir rapidement, tu en as déjà un petit peu évoqué, sur le style musical et également les influences Drop Dead Chaos. Donc, vous êtes parti un petit peu du métal alternatif des années 90, conjugué avec les groupes new metal du passage au troisième millénaire, avec bien entendu une production moderne et à la fois moderne, lourde et également aérée, puisque c'est vrai que de nos jours, on a tendance à avoir des productions qui se veulent massives, mais qui peuvent être fatigantes au bout du deuxième, troisième morceau. C'est pas le cas sur Drop Dead Chaos, puisqu'il y a beaucoup d'influences. On a de la respiration, on a de la vie, hein, tout simplement. Alors, pour toi, j'imagine que c'est assez différent de ce que tu as l'habitude de produire, puisque tu viens du monde du black metal. Donc, comment est-ce que tu peux revenir sur ce style-là par rapport à ce que tu as pu produire par le passé? En fait, en tant que producteur, donc je produis aussi des groupes de tout horizon. En fait, j'ai toujours voulu retirer tout, on va dire, toute niche, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie de faire, que ce soit dans ma musique ou que ce soit dans la production. Si je peux arriver à bien travailler, je peux faire que ce soit de la pop, de l'électro, du rap, j'en ai déjà fait, du rap moderne, donc la trap, des mélanges de styles. J'ai un projet à moi, justement, qui mélange un petit peu la trap et le métal, mais de manière un petit peu plus black metal, justement, dans la manière dont c'est fait. Je fais énormément de musique émotionnelle qui est justement très métal extrême, donc qui s'attache un petit peu, justement, à ce qu'on pourrait appeler possiblement le post-black metal ou un black metal peut-être émotionnel. Maintenant, comment expliquer? Moi, j'ai grandi. En fait, moi, mes deux amours musicaux, c'est un, le rap, et deux, le black metal. Ça a toujours été comme ça. J'ai évolué, grandi avec le rap, avec la culture hip-hop, la culture de la rue, en fait. Et d'un autre côté, quand j'ai découvert le black metal, quand j'avais peut-être 14-15 ans, voilà, mon monde a complètement changé. Mais j'ai toujours voulu garder un esprit ouvert sur la musique, parce que ce soit dans mes acquis, on va dire de mes parents ou autre chose, j'essayais d'écouter ce qu'ils écoutaient, de regarder la télé de ce temps-là où MTV passait des bonnes choses, voilà, je gardais mon esprit ouvert. Et quand la vague néo-metal est arrivée, donc fin 90, je me suis pris une tarte monumentale parce que je retrouvais mon hip-hop et en même temps je retrouvais la puissance du métal d'une manière beaucoup plus simplifiée, moins underground que du black, qu'on se comprenne bien. Et finalement, ça m'a influencé depuis, mais vraiment. Et donc, c'est littéralement, quand je te dis que ça fait 20 ans que j'ai envie de faire ce genre de musique, littéralement le cas, tu vois. C'est vraiment un style de musique que j'ai toujours eu envie de faire, sauf que, il y a 20 ans, j'étais certainement pas aussi bon musicien que maintenant, j'avais pas les moyens, j'avais pas forcément un groupe derrière. Finalement, maintenant, c'est carrément réalité, et on arrive à mélanger ces influences-là. Parce que je considère forcément que Drop Dead est un groupe de métal alternatif, parce que dans le groupe, il y a métal et alternation. On fait des expérimentalisations qui sont pas forcément trop. On cherche aussi à avoir une musique qui soit quand même puissante, directe, et en le très catchy bon... également. Excuse-moi ? Et je disais également catchy. Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Ce côté catchy, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Travailler sur des refrains qui me plaisent, ce genre de choses, avec des... une métrique incroyable. Voilà, c'est un travail que l'on fait, et c'est vrai que chaque personne se rappellera du refrain de In The End de Linkin Park. Tout le monde. C'est ça que j'aime bien aussi. Là, c'est ce qu'on fait, et à travers ça, on met ce qu'on aime bien. Tu prends le morceau Save Yourself, par exemple. Le morceau Save Yourself, c'est un morceau assez jumpy. On va dire ce qu'on veut, quoi. Tu jumps tout le temps sur ce morceau, t'as un riff quand même assez technique, assez moderne, qui finalement est un petit peu plus metal progressif, moderne, un peu gentil comme ça, mais pas trop non plus. Puis après, t'as ce breakdown ultra moderne, ultra lourd, et après, t'as le solo. C'est pas le passage solo, si tu l'écoutes bien, c'est du power metal. C'est typiquement du power metal. Et t'as certains passages sur l'album, genre le début d'Escape, qui est, on va dire, un petit peu slipknotien, et puis ce refrain ultra ouvert, qui n'est pas sans rappeler justement un petit peu des influences un peu Linkin Park. Mais dans le fond, on veut pas copier, certainement pas. On veut justement que nous, on mette ce qu'on aime faire, et justement le travailler, le transformer pour que ça devienne véritablement nous. Et que ce soit, et c'est ça le truc que je trouve vraiment intéressant dans Drop Dead, que ce soit dans une chanson assez unique, genre Underneath the Sound, qui est vraiment juste un couplet de rap, un refrain fin, ou un morceau genre Humans qui est très à la Slipknot, qui est un peu long et qui déchire bien parce que justement il raconte une histoire avec sa longueur, ou un morceau comme What I've Learned qui est pur hip-hop, en fait, on reconnaît la patte de Drop Dead. Tu vois, la patte de Drop Dead, c'est pas du riff lourd, du rap omniprésent, c'est un truc que tu ressens. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, de me dire, putain, je suis arrivé à faire ça dans ma carrière, tu vois. C'est, y a une entité, une ambiance à travers le groupe qui n'est pas un style, c'est un sentiment, et ça, c'est génial. Ouais, même si, disons qu'on peut dire que le groupe est plus que la somme de ses influences. On obtient quelque chose qui est pas simplement de la superposition de d'influence, tu vois, mais on a un tout mêlé et qui est une véritable symbiose de ce que vous avez pu ingurgiter depuis maintenant de nombreuses années. Alors je te propose de passer un premier extrait pour ce soir avec Underneath the Sound, morceau que vous avez clippé. Est-ce que tu peux revenir justement sur le clip? Et puis une fois que l'émission sera terminée, on pourra inviter les auditeurs à se connecter sur Internet ou sur leur smartphone pour aller sur la tube pour écouter et regarder le morceau. Yes, bah, Underneath the Sound, c'est un peu c'est le morceau qui ouvre l'album. C'est aussi le morceau qui ouvre nos concerts. C'est un morceau qui est... en essayant de la faire un peu courte, l'anecdote, c'est que Renato faisait un test a cappella avec un nouveau micro qu'il venait d'acheter. Il m'a envoyé ce truc, j'ai fait « bouge pas » et j'ai travaillé ce truc. Et en fait, on en a fait un morceau que je considère comme ultra fédérateur. C'est ces espèces de A.O. au départ, c'est le rap qui en fait, c'est un rap que j'ai composé pour Renato. C'est un rap qui parle de Renato, en fait. Et qui remet un petit peu justement les personnes devant le fait que les artistes vivent de ce qu'on vit en tant qu'artiste sur scène. Ça parle de l'amour de gens que tu reçois alors que tu ne les connais pas quand tu es sur scène. Et qu'en fait, tu as des gens dans le public qui sont comme ça, qui te donnent de l'amour comme toi tu en as donné à d'autres artistes que tu as écoutés et que tu as vus quand tu étais gosse ou même encore maintenant. Donc c'est pareil, c'est un message énormément d'espoir. Et donc le clip, on l'a fait avec FHC Prod, et on l'a tourné à Strasbourg et au Dominicain de l'Haute Alsace, au Dominicain pour ma partie et au Temple du Donon pour la partie de Renato. Il faisait moins 7 degrés, le pauvre il en a chié, mais le clip est magnifique et comme possiblement certaines personnes l'ont vu, à la fin du clip, il y a un To Be Continued. Donc effectivement, on va clipper à un moment donné un deuxième qui va être la suite de Underneath the Sound. Et bien c'est parti tout de suite, extrait de l'album Underneath the Sound, le morceau éponyme par Drop Dead Chaos. My feet's falling on the ground. I've got to see far and beyond to stand proud on this battleground. Underneath the sound, loud enough to make me drown, with right people and not the wrong, to scream without to bring around. Underneath the rain, please, the light is so old. I've never found another love that is given by a stranger that I have never met before. Make it out of control. It's the shit that I wanna hold right deep in my heart. It's strange, but without you I would be alone. Clasp the life and sending all these girls to fuck. Ready or not, I'll never be complete. So I decided I would keep on defying all my enemies. Some my family afraid to sleep. I am afraid to die, mostly just to be alive. But I can't help myself, I need to get a piece of crowd. Cause my life ain't home, need to move all around the world. I gotta tell you, I feel tears when I'm writing these words. Words can be meaningless, so let me scream them loud. I need no God as witness, we are below the clouds. And so my words are about to dream into the ones that got chance on them shoulders, but get sitting in a crowd. So all this shit is for y'all, stand in front of the crowd, making your feet stomp on this motherfucking ground. Let the world know that we are never gonna stop. Let the world know that we are never gonna stop. Rain, please, the light is on. I've never found enough. Yes, Drop Dead Chaos, Underneath the Sound, morceau éponyme qui débute sa premier album. D.A., est-ce que tu es toujours avec nous à l'autre bout du fil? Yes, toujours là. Eh bien, encore une fois, merci à toi pour le coup de fil et pour l'excellent boulot extrait de ce superbe premier album Underneath the Sound, sorti au cours du mois d'avril sur Atom Records. Donc, vous avez, tu nous l'as dit, participé au Hellfest 2022. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette expérience? Ah, mais c'était fou, hein, forcément, c'était fou. C'est une aubaine incroyable, et en même temps, un petit peu un gros coup de stress dans la gueule, parce qu'il fallait, assurer, parce que c'est comme ça, en fait. On avait un petit peu ce poids bizarre d'être le seul groupe depuis l'histoire du Hellfest à ne pas avoir d'album de sortie quand on nous a dit « Ok, vous jouez ». Il faut savoir qu'en fait, ça a été le premier concert que normalement on aurait dû annoncer, parce que le festival donc de 2021 ne s'est pas fait, donc on a joué donc en 2022, et nous avons un concert avant, que nous avons fait à l'Homme, au mois de mai d'ailleurs, un peu avant, au mois de mai 2022. Maintenant, le Hellfest, bah, c'est le Hellfest, quoi. C'est le plus grand festival de musique extrême au monde. L'ouverture de l'Altar, le deuxième samedi, on était stressés, mais il y avait cette balance de on avait trop envie d'être là, on avait envie de tout défoncer, et on a été incroyablement surpris par le fait d'avoir autant de gens qui étaient là. On a commencé avec un beat un petit peu disparate, et dès le deuxième morceau, ça s'est rempli. Et je pense très honnêtement qu'on a fait quelques milliers de personnes directement. Il y a blindé de personnes qui sont venues nous trouver après, pour nous dire que c'était très bien. Puis on en a profité. On a été joué au stand de SP, vu que Nils travaille, enfin, c'est l'égérie française de SP. Donc il a son stand sur lequel il joue des démos avec donc des guitares. Et on a été invité pour faire justement un morceau de Drop Dead et la reprise de Slipknot que l'on a fait donc à même le sol, sans batterie malheureusement, mais avec tous les musiciens. Et c'était glorieux, parce que d'un côté t'es sur une scène absolument immense avec blindé de gens, et puis tu te retrouves en face d'un stand ESP, je veux dire en plein cagnard, et c'était génial. La proximité du public, tout ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. Les retombées du concert étaient dithyrambiques, ça nous a fait énormément plaisir. Et c'était vraiment un excellent point de départ pour nous aussi, d'aller encore plus loin. Déjà, après le premier concert qu'on avait fait, on était déjà surmotivés. Et donc après, de faire le Hellfest, comme je te l'ai dit, entre le stress et l'excitation de vouloir tout péter, ben voilà, c'est une expérience inoubliable, incroyable. Et justement, alors, j'ai lu votre bio qui a été donné aux médias avec le pack promo de l'album. Il est noté que vous avez été coaché par Bubu, Stéphane Buriès de Loud Blast pour la scène, justement. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Oui, bien sûr. Bah, un grand coucou au patron, hein, c'est toujours un plaisir. Disons que pour avoir cette personne sur scène, c'est bien. Hein, par contre, pouvoir les gérer pour tout ce qui est mouvement et scénographie, c'était différent. Et donc, on a fait appel à Bubu, justement, pour qu'il nous aide. Et il nous a aidé, justement, pendant la résidence que nous étions en train de faire pour préparer le tout premier concert, donc, qui était au Furious Circus de l'Homme, qui s'était passé donc il y a un an, à peu de choses près, en fait, il y a un an et quelques jours. Et ça s'est incroyablement bien passé. Il nous a bien mis là où on devait être, tout en nous laissant aussi notre liberté d'un autre côté. On fait pas de la chorégraphie non plus, mais on est là justement pour pas s'en mêler les pinceaux non plus. Encore une fois, on est 7 personnes sur 7, mec. C'est quand même pas mal. Et donc on est ultra reconnaissant de ce que Steph nous a apporté, et un immense merci à lui s'il écoute, parce que c'est la famille, et ça fait vraiment vraiment plaisir. Et il fait partie de cette équipe qui nous entoure, qui nous aide à nous amener encore plus loin. Et donc voilà, un grand merci à toi, Bubu. Alors maintenant, tu nous as parlé de ces premiers morceaux qui ont été composés et enregistrés sous forme de single. Néanmoins, on peut également noter que ces morceaux n'ont pas été mis tels quels sur l'album, ils ont été réenregistrés, il me semble. Est-ce que c'était pour vous important d'apporter, on va dire, une certaine unité dans le son de l'album et pas avoir des morceaux qui soient un peu disparates? En fait, quand tu sais que donc ces trois premières chansons, donc je parle de Black Thoughts, Save Yourself et Human, ces morceaux ont été faits donc à distance pendant justement toute la période ultra géniale, de manière sarcastique, qui était le Covid. Nous, on voulait aller plus loin, on voulait refaire ces morceaux, d'une part pour l'unité de l'album, mais d'autre part aussi pour nous, parce qu'on voulait aussi débarquer avec un album genre on l'a fait ensemble, en studio, comme il faut que ce soit fait. C'est aussi simple que ça. Et j'imagine que vous avez peut-être réarrangé certaines parties, même si c'est assez minime. Oui, c'est comme logique, tu sais, après à un moment donné, tu ponces un morceau pendant autant de temps, tu l'écoutes, tu dis tiens, j'ajouterai ça, ou j'enlèverai ça, et je ferai ça, et je ferai ça. Et finalement, on l'a fait. Et c'est pas plus mal, en fait. C'est pas plus mal parce que sur le coup, on a donné, si tu veux, un espèce de deuxième souffle, bizarrement, à une chanson qui avait un an, un peu de choses près, mais on le voulait. On voulait absolument le faire. Et encore une fois, comme tu l'as dit, il y a une question d'unité sur l'album. On voulait faire ça pour l'album aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la suite? Est-ce que vous avez depuis continué de composer pour ce qui pourrait être un deuxième album? Ou est-ce que vous attendez un petit peu les retombées du premier album, Underneath the Sound, pour remettre le couvert? Alors, il est clair et net qu'on nous sommes déjà en train de travailler sur une suite, faut pas déconner, on est vraiment, vraiment, vraiment très chaud. Maintenant, qu'on fait, et c'est ça l'important aussi, c'est qu'on défend l'album. On défend l'album que l'on vient de sortir. On essaie de le faire le plus possible partout, en France et ailleurs. On essaye. Et on travaille avec une équipe derrière, que ce soit Syncope Prod, les agences Singularité, Atom. Tu sais, on travaille tous avec eux pour justement tout mettre en œuvre pour qu'on puisse vraiment présenter Drop Dead Chaos partout. Et c'est pour le moment, c'est ça qu'on veut faire. On veut vraiment présenter l'album. On continue, forcément, on travaille, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais là, on est à fond aussi sur l'album. On veut le montrer partout. On veut que les gens se le ramassent dans la tronche. Parce qu'en live, il se passe un truc aussi. Il se passe un truc qui est différent de l'album. C'est un fait. L'album est une production que je considère comme absolument ultime. HK a fait un travail incroyable. Quand je l'écoute, encore une fois, comme je te le disais, moi, j'écoute cet album assez souvent parce qu'il me parle en plus. Bizarrement, je prends un certain recul à me dire que c'est comme si c'était pas moi qui l'avais fait, et je me prends une claque à chaque fois, ça me fait du bien. Et quand je joue sur scène, ce qui est d'ailleurs assez marrant parce qu'on jouait hier au Grienne de Colmar, et il se passe un truc sur scène, et ça, c'est il faut le voir parce que je te jure que déjà moi je le vis, j'ai cette chance absolument incroyable d'être sur scène avec six autres Gugus qui sont absolument incroyables l'un et l'autre. On est tous ensemble, en grosse entité, en fait, sur scène. Et on se marre, et en même temps, on fait ce qu'on a toujours eu envie de faire. Et en fait, on joue l'album d'une manière différente, forcément, parce que c'est l'album que l'on présente, on joue l'album, mais on n'est pas en train de faire un copier-coller de l'album non plus. On apporte, que ce soit d'un point de vue des backings, tous ensemble, au niveau des harmoniques guitare, au niveau de tout ce qu'on peut faire ensemble, il se passe quelque chose. Et je veux juste te donner une petite anecdote concernant le morceau What I've Learned, qui est donc un morceau sur l'album qui est 100% hip-hop. Bah, le morceau a une dimension en live qui est complètement différente. Dans le sens où, lorsqu'on était en train de faire notre première résidence, notre batteur chéri, donc Boris Segal, lui dit, ah ouais, non, mais moi je veux la jouer cette chanson, je veux pas de batterie électro, vas-y, je veux la jouer. On s'est dit, ok, d'accord, vas-y. Et donc il l'a fait, et à la toute première répète qu'on était ensemble, mais finalement, en fait, la manière dont Boris y joue, dont il a vraiment interprété la batterie à sa manière, mais en fait, moi je m'énerve quand je rappe, au lieu justement de faire un rap beaucoup très posé, un peu sarcastique dans la manière dont je fais mon rap. Il est très, j'arrive pas à expliquer. risqué, il est un peu déshumanisé, un peu dépressif comme ça, mais pas trop, très désabusé. Tandis que sur scène, il y a une puissance incroyable. T'as Renato qui me back. Renato, il a quand même une voix qui tabasse bien. Ben, en fait, c'est ça. On se back l'un et l'autre. Et mon rap devient vraiment puissant. Je le termine en gueulant. Et ben, ça prend une dimension totalement différente. Et ça, que ce soit de la même mesure ou sur une mesure peut-être plus moindre, on va dire, c'est ce qui se passe en live. Chaque morceau a une dimension différente et ça apporte en fait quelque chose de d'unique. Je veux dire très honnêtement, d'unique. Il n'y a pas un seul concert qui pour moi se ressemble dans tout ce qu'on fait et j'adore ça. C'est pas, on est là, on n'est pas en train de faire un espèce de travail de copier-coller de tout. On est là, on se donne à fond de balle. Et ça, en fait, c'est le plus important. Et on veut justement échanger ça avec le public. Et c'est génial parce que après, à un moment donné, tu reçois du public. Et donc, bah, forcément, il y a des fois où Renato ou moi, on descend de scène pour vraiment rentrer, se prendre un petit bain de foule qui fait vraiment du bien. C'est la dimension live, en fait. Il faut voir le groupe sur scène. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à voir, très honnêtement. Et moi, je dis ça... très personnel, j'adore regarder les vidéos qui sont en story sur Instagram à chaque fois qu'on joue parce que c'est un bonheur en fait de voir effectivement que bah ça c'est une putain d'entité. J'ai de la chance mec, t'imagines même pas. J'ai vraiment de la chance. Eh ben, ton plaisir est communicatif. Maintenant, dernière question, est-ce que c'est pas un peu difficile justement d'organiser les emplois du temps puisque vous êtes tous par ailleurs extrêmement chargés et occupés? C'est juste du travail. C'est juste un travail d'organisation, de pouvoir, tu sais, mettre des horaires comme il faut, des calendriers comme il faut, et finalement, on s'en sort. C'est tout. Il n'y a pas à aller plus loin, à chipoter. On s'en sort tous parfaitement, tu vois. Et à chacun, en fait, l'un d'entre nous, de mettre certaines priorités sur le devant, d'autres derrière. Moi, je me rends compte très très bien que Drop Dead me demande beaucoup de temps que je donne avec plaisir. Il est clair et net que je mets un certain frein sur certaines productions que je pourrais faire de certains de mes albums à moi. Et finalement, j'ai presque envie de dire c'est tant mieux, parce que lorsque je reviens sur ces albums, ben je reviens avec une tête totalement fraîche, et donc ça me fait du bien, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc il n'y a même pas de prise de tête, littéralement une grosse organisation, mais on l'a fait bien, et encore une fois, nous sommes 8 personnes, plus une équipe derrière qui nous aide... aussi à pouvoir bien nous remettre droit, bah finalement, bah c'est ça. C'est de l'organisation, des priorités, et finalement, bah, on s'en sort très bien, quoi. Est-ce que tu dirais que Drop Dead est un ton, on va dire, projet positif, alors que certains albums plus black metal ont un côté un peu plus noir, forcément? Je dirais plutôt que, pour moi, le black metal, en tout cas en ce qui concerne le black metal, c'est quelque chose que je ne vais pas forcément expliquer, quelque chose qui se ressent. Et le black metal n'est pas représentatif d'une dépression ou quelque chose d'incroyablement trop sombre. Mais le black metal, c'est quelque chose qui se ressent pour moi, en tout cas. Et que l'apprentissage se fait simplement en vivant la chose. Drop Dead, c'est une catharsis qui est donc différente de tout ce que je peux faire. Parce que finalement, je vais ressortir des émotions que je ne vais pas ressortir ailleurs. Tu vois, j'ai cet exercice de travailler moi-même dans mes propres groupes et projets des émotions un petit peu plus vraiment catharsis, mais peut-être un peu trop profond, trop personnel, je dirais. Dans Drop Dead, c'est toujours le cas. Je veux pas dire que c'est amoindri, mais c'est différent. Je vais pouvoir parler d'autres choses, choses qui me tiennent à cœur, comme par exemple pas mal de paroles parlent de l'enfermement que l'on a vécu d'un point de vue Covid, mais aussi de l'enfermement moral, l'enfermement mental. Le fait de pas être important pour les gens, donc par exemple les intermittents du spectacle qui étaient limite en bas de l'échelle pendant le Covid. Moi, en tant que Belge, j'ai vu ça avec une certaine distance, ça m'a vraiment touché. On parle aussi quelque chose un petit peu sombre, le fait à un moment donné de peut-être être seul, mais en même temps on ne l'est pas. Et donc cette espèce de, il faut accepter de temps en temps qu'on a besoin d'être seul, mais d'un autre côté aussi le fait de voir les gens qui nous entourent et que ces personnes peuvent aussi nous laisser seuls, mais à travers ça comprendre qu'ils sont là, et qu'on peut les utiliser à bon escient bien entendu, parce que ce sont nos amis, parce que ce sont les, nos gens, entre guillemets, nos proches. Moi, je dirais très honnêtement que Drop Dead, c'est avant tout un message d'un peu d'espoir, finalement, malgré cette noirceur. Je te renverrai, par exemple, sur le morceau One Last Encore, le dernier refrain, il y a quelques mots qui changent, comparé aux deux autres refrains, et ces deux mots qui changent transforment un refrain un petit peu, je sais pas, ouais, peut-être un peu sombre, un peu dépressif, en un message qui est beaucoup plus, beaucoup, plein d'espoir, finalement. Et ben, c'est ça aussi la force de Drop Dead, quoi. On cherche aussi à rajouter de l'espoir, donner un message positif, et ça, honnêtement, c'est aussi mon héritage du hip-hop. Le hip-hop vient à la base, donc, c'est un journalisme de rue qui montrait du doigt les problèmes et qui donnait des solutions. Et ça, j'essaye de faire aussi, et ce qu'on essaye de faire dans le Drop Dead. Voilà. Eh ben, je te propose d'écouter ça maintenant dans Overdrive avec One Last Encore, extrait de l'album Underneath the Sound de Drop Dead Chaos. Jetez-vous dessus dans toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient physiques ou bien numériques. DA, encore une fois, merci du fond du cœur pour l'appel ce soir. Superbe interview. On espère vous voir du côté de Saint-Étienne ou même Lyon dans les prochains mois. Et justement, défendre cet album qui le mérite tant. On envoie la musique tout de suite, ok? Yes, sir. Merci beaucoup. J'espère carrément qu'on va jouer dans le coin. J'ai trop envie d'être dans le coin de Lyon, Saint-Étienne, mais de malade. Merci beaucoup à toi pour tes questions, pour ton temps. C'est vraiment génial. Merci d'avoir écouté, apprécié l'album. Merci à tout le monde qui nous écoute. Venez nous trouver, que ce soit en concert ou hors concert. On s'occupe nous-mêmes de nos réseaux sociaux. Venez poser des questions, envoyer des messages. On est là pour ça. On est là pour répondre. Donc, merci à vous tous. Et bon, on va se croiser sur une date, c'est obligatoire. different steps, cause and effects. We hit another wall, take another fall. Retroflex. I can detect the high pressure. Failure is an art treasure. It powers the future endeavor, where we take on the world together. Yes, vous venez d'entendre Enter Shikari avec son album Kiss for the End of the World. Encore une fois, merci à Dea et merci à Drop Dead Chaos pour leur superbe album Underneath the Sound. On reste dans du metal électro avec Death Stars, Everything Destroys You, qui sort sur le label Nuclear Blast. Tout de suite, vous écoutez Overdrive, Radio Dio. terre fraîche sous les ongles. J'aime quand l'odeur de l'humus emplit mes narines quand la nuit tombe. Bercé par la sonate au clair de lune d'une chouette, épiant mes moindres faits et gestes. Percé par son regard, vision nocturne me m'attend triturer les os, les restes. Les nuits sont fraîches dans le pays. Une dernière pelletée avant de remonter l'allée, retourner sous ma verrière où la moiteur ambiante m'enivre. La nuit s'annonce bien plus chaude et étouffante dans ma serre. Toutes mes boutures n'emmènent pas large, avec un sécateur très susceptible comme compagnon de cage, distribuant des points de suture et qui ratissent large. Et les bourgeons se tiennent à carreau, ici c'est moi le taulier, le tuteur des plantes grimpantes, solo vent autour de ta gorge et ta nuque dégagée. L'éleveur de chiens dents aux dents de chien, la mauvaise graine de la mauvaise herbe. Fermez tous les yeux car au loin se lève une méchante tempête de pollen. Drive, en guise de transition, vous venez d'entendre le projet Novembre, extrait de cet album Inox, sur lequel on peut entendre une noirceur palpable avec une pulsation qui a été héritée du trip-hop, bien entendu un côté spoken word prononcé et une certaine bien sûr lourdeur dans le propos et le son. Également dans Overdrive, pour quasiment terminer l'émission, on va faire un peu plus court que d'habitude avec un morceau cette fois maintenant très rapide, Enforced, extrait de cet album War Remains qui sort sur le label Century Media. Ce sera Ultra Violence pour aller très très très vite maintenant. We'll be right back. Summer Drive, c'est terminé pour ce soir. On remercie encore une fois Dea et Drop Dead Chaos pour la fantastique interview. Jetez-vous sur leur album, il est de toute beauté. On se quitte au son de The Ascending qui nous a sorti cet album sur lequel on retrouve des influences progressives. On pourrait penser à un certain Anathema par moment. Ce sera le morceau Circles in the Same Sky. Et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio. www.radiodio.org, www.facebook.com/overdrive-radiodio, la plateforme Mixcloud pour retrouver les podcasts des émissions. Et bien entendu, le direct le vendredi soir de 21h à 23h. Il est temps pour moi de rendre l'antenne, de passer les bandes de nuit. Demain soir, l'Eurovision et l'Allemagne va présenter le groupe Lord of the Lost. Si vous voulez soutenir le métal, un petit coup pour vote pour les Allemands. Voilà qui nous rappellerait il y a quelques années avec Lodi. Il est temps de rendre l'antenne. Merci, ciao, bye bye. trust me, you look goddamn.